Aujourd'hui, le 27 juin 2022, Sayado va parler des 5 choses qui soutiennent la pratique. Pratiquer Vipassana, c'est comme entretenir un jardin. Notre attention, notre observation sont comme les graines. 5 choses doivent être faites pour que l'arbre donne des fruits correctement. Ces 5 choses sont comme des protections pour notre pratique. Lorsqu'un jardinier plante un arbre, tout d'abord, il commence par mettre une protection autour de la graine qu'il plante, de sorte à ce que rien ne vienne attaquer l'arbre. La première des choses, la première des protections est Sila Nugahita. C'est la protection par Sila. Sayado en avait parlé dès le premier jour. Lorsque nous observons Sila, nous nous abstenons de comportements physiques et verbaux grossiers. Ce sont des protections. Ce sont les protections que les yogis établissent pour protéger la graine Vipassana. De la même manière, un arbre a besoin de protection autour, de barrières qui le protègent. Les yogis prennent Sila comme une protection. Si Sila n'est pas totalement respecté, ou s'il est rompu, ou s'il est faible, les fruits que nous voulons obtenir de la pratique, qui sont la sagesse et la compréhension, ne peuvent pas survenir. De la même façon que les barrières protègent un arbre, Sila nous protège. C'est bien si les yogis peuvent maintenir Sila, cela permet aux graines de Vipassana de ne pas être détruites et d'être protégées pendant la pratique. La seconde protection est Sutta Nugahita. C'est la protection par l'apprentissage, l'étude. Les yogis doivent écouter les enseignements du Dhamma qui sont appropriés pour la pratique. Écouter les enseignements corrects du Dhamma protège notre compréhension de Vipassana. Cela s'appelle Vipassana Samadhi. L'arbre qui a été planté et protégé a aussi besoin de nourriture, il a besoin d'eau. S'il n'est pas assez nourri, s'il n'est pas assez arrosé, il mourra. Et aussi, si les graines reçoivent trop d'eau, elles vont aussi mourir. Elles doivent donc être arrosées de façon appropriée. Une fois que nous avons reçu les enseignements appropriés, Sutta Nugahita, en écoutant les enseignements appropriés sur la façon de pratiquer Vipassana, alors nous devons les mettre en pratique. Et lorsque nous pratiquons, nous devons nous entretenir, discuter de notre pratique avec le professeur. Nous devons lui dire ce que nous avons observé, ce que nous avons vu, ce que nous avons compris. La troisième protection pour la pratique est Sakaccha Nugahita. C'est la discussion avec le professeur à propos de notre pratique. Les yogis doivent expliquer comment ils appliquent la pratique, comment ils pratiquent. Ils doivent expliquer comment ils pratiquent la méditation assise. Puis le professeur donnera des feedbacks, des retours sur leur pratique. Et ils recevront des instructions supplémentaires pour aller plus loin dans la pratique. De la même façon, ils doivent expliquer comment ils pratiquent la méditation en marche, ainsi que leur pratique dans les activités quotidiennes. Les yogis doivent faire l'effort pour pratiquer la méditation assise, et de la même manière, ils doivent faire des efforts pour pratiquer la méditation en marche. Si, Pendant l'heure de marche, le yogi décide d'écourter le temps de marche. Cela peut affecter la méditation assise. Cela peut être une perturbation s'il ne le pratique pas suffisamment pendant la durée de la méditation en marche. Donc, essayez de pratiquer pendant l'heure entière dédiée à la méditation en marche, mais n'exagérez pas non plus. Sayado l'avait déjà dit avant, mais c'est très important. Donc, les yogis s'appliquent pendant la méditation assise. Ils doivent s'appliquer aussi pendant la méditation en marche et dans les activités quotidiennes. Tout cela doit être rapporté au professeur. Ils doivent expliquer comment ils appliquent la pratique dans ces trois activités, assises, en marche et dans les activités quotidiennes. Sayado entend ce que vous faites, comment vous pratiquez. Il pourra ainsi vous donner des instructions supplémentaires. Et ainsi, vous pourrez progresser et aller plus loin dans votre pratique. Avec les feedbacks, avec les bénéfices que les feedbacks du professeur vous donnent, vous pouvez vous améliorer rapidement. C'est pour cela que discuter avec le professeur de la façon dont vous pratiquez est importante. Comme pour un arbre, nous devons considérer la terre qui est autour du jeune arbre qu'on est en train de planter ou qui est en train de grandir. Si la terre tout autour n'est pas assez ferme, alors le jeune arbre ne peut pas pousser correctement. Mais si la terre est trop ferme tout autour du jeune pousse, celui-ci ne peut pas grandir correctement non plus. C'est pourquoi il est nécessaire de travailler la terre tout autour du jeune arbre pour que les racines se développent correctement et que l'arbre grandisse bien. C'est important que les racines atteignent l'eau et aient suffisamment d'espace pour pouvoir bien grandir. C'est pour cela que c'est important de travailler la terre autour de l'arbre, pour que les racines aient une chance de se développer librement. Quand nous faisons notre rapport au professeur, nous pouvons lui parler de ce qui n'est pas clair pour nous ou des difficultés que nous rencontrons. En parlant avec le professeur, cela permet de clarifier les choses qui ne sont pas claires et aussi en parlant de vos difficultés, le professeur pourra vous donner des conseils et en ayant un esprit clair sans difficulté, alors la pratique sera plus facile. Vous pourrez développer la concentration et la sagesse. La quatrième protection pour notre pratique est appelée Samatha Nugarita. Pour que les empêchements nous nivaranas ne rentrent pas dans notre esprit, nous devons observer chaque apparition d'objet, en commençant par le mouvement de soulèvement et d'abaissement. Cela établira de façon stable l'attention. La concentration de l'esprit sur l'apparition des objets est appelée Samatha Nugarita. C'est la protection par la concentration. Lorsque l'esprit est concentré sur l'objet, c'est Samatha. Et quand l'esprit est concentré, le désir, vouloir, l'avidité ou l'oba, ou encore la colère, les perturbations, les empêchements ne peuvent pas affecter ou perturber l'esprit lorsque l'esprit est concentré sur l'objet. Et aussi, parfois il peut y avoir de l'agitation ou alors des inquiétudes, dans l'esprit, ou lorsque l'esprit n'est pas frais, alors nivaranas ou les empêchements peuvent venir dans l'esprit. Et dans ce cas-là, les yogis ne peuvent pas se concentrer, ne peuvent pas concentrer leur esprit. Et une fois que les nivaranas sont entrés, cela va être plus difficile encore. Mais ce sera plus difficile. Et les yogis commenceront à avoir des doutes, ou alors des hésitations, ou une pratique vacillante. Ils auront des doutes sur la situation, et dans ce cas-là, le yogi ne pourra pas se concentrer. Nous essayons de protéger donc l'arbre pour que les insectes ne viennent pas trop près et qu'ils mangent l'arbre. Et si les insectes viennent sur notre plante, sur notre jeune pousse, nous devons les enlever. C'est seulement lorsque nous aurons enlevé les insectes qui endommagent l'arbre que l'arbre pourra pousser bien et qu'il pourra devenir fort et sain. Ce que nous appelons nivarana ou obstacle sont des perturbations pour notre esprit, des perturbations pour la clarté de notre esprit et des obstacles dans nos efforts pour atteindre la paix. Donc nous avons besoin de protéger notre esprit des nivaranas, des obstacles. C'est seulement lorsque nous pouvons protéger nos esprits de ces obstacles que l'arbre de Vipassana pourra se développer et grandir et donner des fruits. Il s'agit de cultiver le fruit correct de Vipassana, Samadhi. Le fruit correct de Vipassana est la sagesse. Si nous pouvons protéger notre esprit des obstacles, de Nivarana, de telle sorte qu'il ne rentre pas dans l'esprit, alors notre pratique devient bonne, parce que notre concentration s'est développée. Alors la méditation assise devient facile, la méditation en marche est facile aussi, tout se fait facilement. Ce qui peut se passer à ce moment-là est que nous nous sentons bien et nous commençons à nous dire que « oh c'est bien, nous sommes contents ». C'est une situation qui est plaisante et nous pouvons nous attacher parce que c'est bien, c'est agréable. Quand cela arrive, notre pratique ne progresse plus, car cela devient aussi des perturbations pour l'esprit. Les yogis ne notent plus. C'est pareil que pour ce qui peut arriver à un arbre. Même si l'arbre devient sain et commence à se développer, il peut encore se faire attaquer. Pour nous, yogis, lorsque notre pratique commence à se développer et qu'elle devient bonne, nous pouvons avoir des pensées comme « ma pratique est bonne, ma pratique est bonne » et nous commençons à nous attacher à la pratique. Ce genre d'attachement à la pratique rend notre pratique étourdie. Quand nous avons de l'attachement à notre pratique, lorsqu'elle devient agréable, alors elle ne peut pas continuer à développer le fruit que nous recherchons. Ils sont la connaissance du chemin et la connaissance du fruit. De la même manière que nous ne devons pas être attachés à notre pratique de Vipassana, que ce soit dans une phase où c'est plus difficile ou que ce soit dans une phase plus agréable, nous ne devons pas nous y attacher. Donc, il ne doit pas y avoir d'attachement à notre pratique, que ce soit pendant la phase plus faible ou pendant la phase plus développée. Si notre pratique peut devenir développée et qu'il n'y a pas d'attachement, alors nous pourrons obtenir les fruits de notre pratique. c'est-à-dire la connaissance du chemin et la connaissance du fruit. C'est ce qui nous protège. C'est ce qui protège le fruit que nous essayons d'avoir. C'est vipassana samadhi, c'est-à-dire la vue juste. C'est la vue juste de vipassana. C'est la compréhension et la sagesse. La dernière et cinquième protection que Sayadaw va expliquer est vipassana nugarhita. Il y a la protection de samatha et la protection de vipassana. Ce sont ces deux types de protection qui concernent le plus les yogis pendant leur pratique. Ces protections ont le plus à voir avec le yogi lui-même lorsqu'il pratique. Quand l'esprit est assemblé, concentré sur chaque apparition d'objet, samatha nugarhita devient de plus en plus développée. La concentration devient de plus en plus forte. Cela rendra la protection de vipassana, vipassana nugarhita, de plus en plus fort aussi. Pour un arbre, nous avons besoin d'enlever les mauvaises herbes autour et il a besoin de lumière, d'eau. Nous avons besoin de donner de la place aux racines pour qu'elles puissent se développer. Et quand nous prenons soin de l'arbre de cette façon, l'arbre deviendra fort. Quand la protection de la concentration devient forte, alors la connaissance, la compréhension apparaîtra. C'est comme la lumière qui nourrit l'arbre. C'est la lumière de vipassana, de la compréhension de vipassana. Dans la troisième protection qui est sakha cha nugarhita, la discussion avec le professeur, c'est une part très importante dans notre pratique. C'est important pour vous de rapporter combien de fois par jour vous pratiquez la méditation assise. Sayadaw a besoin de le savoir. Ce n'est pas pour vous prendre en faute, mais il a besoin de savoir comment vous pratiquez. Il a besoin de savoir combien de fois vous pratiquez la méditation assise. Maintenant, nous pratiquons pendant toute la journée. Pendant les méditations assises, nous pouvons avoir une session qui est bonne le matin, une session bonne dans l'après-midi ou une autre pendant la soirée. Donc nous pouvons combiner les trois sessions et dire ce qui s'est bien passé pendant l'interview. Lorsque nous faisons le rapport sur notre méditation assise, il est important de commencer par ce qui est fondamental à observer pendant l'assise, c'est-à-dire l'observation de soulèvement et d'abaissement. Pouvons-nous le noter ou pas? Quand nous le notons, pouvons-nous garder notre esprit dessus, notre attention dessus? Et pouvons-nous le noter de façon continue? Donc nous devons essayer de rapporter de cette façon, de la façon la plus complète, à propos de le soulèvement et d'abaissement. Pouvons-nous le noter? Pouvons-nous maintenir notre attention dessus? Et pouvons-nous l'observer de façon continue? Ce sont tous ces aspects qu'il faut dire pour une méditation assise. Pour la méditation en marche, la chose fondamentale à rapporter est pas gauche, pas droit. Pas gauche, pas droit. Pouvez-vous le noter ou pas? Puis, soulever, placer, pouvez-vous le noter ou pas? Est-ce que votre esprit peut rester dessus? Est-ce qu'il peut rester sur pas gauche, pas droit, du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il peut rester sur soulevé, placé, du début jusqu'à la fin? Ce sont les choses fondamentales qu'il faut dire pendant l'entretien concernant la méditation en marche. Quand nous parlons de la méditation assise, pour le soulèvement par exemple, il y a seulement trois choses à dire. Le soulèvement apparaît, ça a été noté. Et troisièmement, qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous avons remarqué à propos de cela? Qu'est-ce que nous savons? Qu'est-ce que nous remarquons lorsque nous plaçons notre attention sur le soulèvement? C'est la même chose pour l'abaissement. L'abaissement survient. Deuxièmement, nous le notons. Et puis, qu'est-ce que nous avons observé? Qu'est-ce que nous savons de cela? Ce sont les choses à dire dans l'interview. Concernant l'abaissement, il y a juste ces trois choses-là à dire. Premièrement, l'abaissement est apparu. Deuxièmement, je l'ai noté. Et troisièmement, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'ai observé en le notant? Quand nous notons le soulèvement et l'abaissement, nous devons le regarder avec notre esprit. C'est important de le regarder avec notre esprit. Quand nous observons le soulèvement et l'abaissement, nous devons faire des efforts pour le noter. Cette application de l'énergie mentale dirige l'esprit vers l'endroit où cela se produit. L'esprit doit être dirigé à regarder directement le soulèvement et l'abaissement. Il doit être dirigé. Donc, concernant le soulèvement et l'abaissement, il y a seulement ces trois aspects. Premièrement, il y a l'apparition du soulèvement. Deuxièmement, le fait de le noter. Et troisièmement, ce qu'on peut voir, expérimenter ou observer de cette notation. Cela se passe de la même façon pour l'abaissement. Ce sont juste les choses qu'il faut dire à Sayado pendant les interviews. C'est tout ce qu'il faut dire pendant les entretiens. Et aussi, nous devons faire l'effort d'attraper le soulèvement et d'attraper l'abaissement lorsqu'ils apparaissent, lorsqu'ils surviennent. Nous devons faire cet effort. Pendant que nous essayons d'observer le soulèvement et l'abaissement, des pensées peuvent survenir. Cela aussi doit être dit pendant l'entretien. La pensée est un objet. La pensée arrive, survient, je le note, et qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je remarque? Donc, quand des pensées surviennent, vous notez. Des pensées surviennent, je l'ai noté, et qu'est-ce que je sais à propos de cela? C'est cela que vous devez mentionner au professeur. Également, pendant la pratique, des douleurs, vedana, peut survenir de temps en temps. Lorsque la douleur apparaît, vous devez le noter. Est-ce que la douleur augmente? Est-ce qu'elle diminue? Est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'elle devient plus forte? Est-ce qu'elle est de pire en pire? Décrivez ce qui se passe à la douleur lorsque vous l'observez. Afin que nous puissions dire quelque chose à propos de ce que nous observons, à propos de la douleur, nous devons garder notre esprit sur cet objet qui est la douleur, qui est survenue. Puis c'est pareil avec la méditation en marche. Le pied s'est soulevé. Je l'ai noté. Qu'est-ce que je sais à propos de cela? Qu'est-ce que je sais pendant ce moment où le pied était soulevé? Le pied s'est posé. Je l'ai noté. Et qu'est-ce que je sais de l'observation, de ce moment d'observation où le pied s'est posé. Pour que nous puissions faire le rapport à Sayado, nous devons observer ce qui se passe lorsque le soulèvement se fait ou lorsque l'abaissement du pied se fait. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous expérimentons? C'est cela qu'il faut dire et c'est cela qui est important à dire pendant les entretiens. Donc, concernant cette troisième protection, la protection de la discussion, Sutanuga Hita, si vous pouvez appliquer l'effort et diriger votre esprit pour vous connecter à l'objet que vous êtes en train d'observer, de sorte à ce que vous puissiez dire ce qui se passe, juste ces trois choses, que l'objet apparaît, que l'effort a été fait pour le noter, et qu'est-ce que nous avons compris, qu'est-ce que nous savons. Quand nous pouvons pratiquer de telle sorte que nous pouvons décrire notre pratique de cette façon, notre concentration se développera, apportant la compréhension et la paix. C'est ce que Sayado souhaite. Il souhaite qu'en faisant des efforts de cette façon, pour observer les objets avec l'effort mental et la direction de l'esprit vers l'objet, de sorte à pouvoir dire lorsqu'il apparaît que vous l'avez noté et ce que vous comprenez de cette observation. En faisant cela de cette façon, puissiez-vous développer votre concentration, obtenir la compréhension et atteindre la paix. C'est tout pour aujourd'hui. Satu, satu, satu.